Le docteur Richard Wendt, directeur du département de psychologie de l'université de Rochester, causa lui aussi quelques problèmes. Il avait reçu 30 000 $ pour faire une expérience. Après quelques mois, il annonça qu'il avait créé une poudre capable de faire parler n'importe qui. Il insista sur le fait qu'elle était si puissante qu'il fallait la tester sur des sujets jetables. Doulis décida donc d'envoyer Wendt en Europe et que Buckley l'y accompagnerait. Ce dernier transportait un exemplaire du manuel d'assassinat du docteur Gottlieb dans son attaché-case, car telle était la procédure obligatoire pour tout agent qui partait en mission à l'étranger. Cependant, Bill n'avait pas l'intention de s'en servir. Gottlieb avait clairement défini son rôle. Il devait simplement rédiger un rapport sur l'expérience du docteur Wendt. En arrivant à l'aéroport, Buckley eut la surprise de trouver Wendt en compagnie d'une ravissante jeune femme. Il la présenta comme son assistante. Buckley lui fit remarquer qu'elle n'était pas autorisée à partir avec eux, mais Wendt fut inflexible. Soit elle venait, soit il n'y allait pas. Buckley appela Gottlieb. Wendt argua que son assistante l'avait aidé à mettre la poudre au point et qu'il avait absolument besoin d'elle, et Gottlieb finit par accepter. Deux agents de la CIA les attendaient sur une base de l'US Air Force près de Francfort. Ils les conduisirent à une planque située dans un petit village proche de la Forêt Noire. Elle était aménagée exactement comme toutes celles que Buckley avait inspectées, avec des micros cachés et des miroirs sans teint qui permettaient à Buckley et aux autres agents de regarder le docteur Wendt travailler. Son premier sujet fut un homme. Pendant 3 jours, on mélangea de plus en plus de poudre à sa nourriture et à ses boissons. Il n'y eut aucun résultat, et Wendt déclara que le sujet ne convenait pas. Les deux agents emmenèrent l'homme. Ce n'est que plus tard que Buckley découvrit qu'il avait été tué et enterré. 4 autres sujets furent ainsi amenés à la planque. Les 3 premiers furent eux aussi rejetés après quelques heures de traitement et également exécutés. Le 4e était un agent soviétique du KGB. En plus de la poudre, on lui injecta une grande quantité de drogue, une étonnante combinaison de piqûres. 50 mg de dexédrine, suivi de 25 mg de séconal et de doses équivalentes de marijuana. Il partit en transe, comme s'il rêvait. Il passait des heures et des heures à ricaner. Wendt se tourna vers l'agent et essaya une plaisanterie. « J'ai l'impression qu'il va falloir retourner au tableau noir. » Le Russe fut lui aussi exécuté. Entre ces expériences, Wendt s'asseyait pendant des heures devant le piano de la planque et jouait toujours la même berceuse à son assistante. Ces séances prirent fin lorsque la femme de Wendt arriva à Francfort sans prévenir. Il avait laissé l'adresse en cas d'urgence familiale. Madame Wendt n'apprécia pas du tout de trouver là l'accompagnatrice de son mari. Peut-être en réaction à ce qui avait été un moment de stress, Wendt sortit en courant de la planque pour se réfugier dans une église des environs. Il fut maîtrisé par Buckley alors qu'il s'apprêtait à sauter du clocher. Après avoir été calmé avec du séconal, Wendt fut rapatrié aux États-Unis avec les 2 femmes de sa vie. Il mourut quelques années plus tard, toujours convaincu qu'il avait été indignement traité. Buckley rentra à Washington le jour où la CIA commençait la surveillance de l'Union soviétique avec ses avions espions U-2. Le pilote cherchait des preuves photographiques que, dans l'immensité de la Sibérie, les Russes avaient construit une base d'armement biologique près de la ville de Novosibirsk. Cela prendrait encore des années avant que la CIA n'apprenne qu'on l'appelait le Centre de recherche en virologie et biotechnologie, et que les recherches qu'on y effectuait portaient un nom de code aussi insignifiant pour les non-initiés que l'était MK Ultra, Biopreparat. Son directeur des recherches adjoint était le docteur Kanadjan Alibekov. Plus tard, en 1992, lorsqu'il passa aux États-Unis, son nom fut abrégé en Ken Alibek. En Sibérie, 32 000 scientifiques et techniciens travaillaient pour lui à l'élaboration d'armes utilisant l'anthrax et diverses autres substances mortelles. Tout ce que savait Buckley, c'était que son rapport sur ce qui s'était passé à Francfort n'avait pas vraiment passionné Gottlieb. Un lundi matin, un messager apporta un nouveau tas de dossiers au bureau de Buckley. Il s'agissait de copies de rapports du docteur Cameron qu'il devait lire avant de se rendre à Montréal pour la première fois. 6. En lisant les dossiers, Buckley constata que le docteur Cameron était beaucoup plus radical que les autres psychiatres qu'il avait rencontrés jusqu'alors. L'utilisation massive de drogue était à la base de son traitement à l'Institut. Les notes des patients montraient qu'il s'intéressait plus aux effets secondaires d'une drogue qu'à son objectif thérapeutique original. En parlant d'un médicament conçu pour faciliter l'anesthésie durant la chirurgie, il avait écrit « Administré en grande quantité, il devient une sorte de lobotomie pharmaceutique. Ensuite, le patient est beaucoup plus facile à gérer. » D'après ces mêmes notes, il apparaissait clairement que les patients n'étaient jamais informés des troubles que certains produits pouvaient entraîner. Dans l'un des dossiers concernant une patiente nommée Madeleine Lacroix, se trouvait une note récapitulant une brève conversation entre elle et son psychiatre. Elle m'a demandé pourquoi les infirmières la regardaient comme si elle était bizarre. À mon tour, je lui ai demandé ce qui lui faisait penser qu'elle était bizarre. Elle a répondu qu'elle ne savait pas. Plus tard, Madeleine déclara qu'elle se sentait « comme doit se sentir un zombie », avait noté le docteur Cameron. Le dossier indiquait qu'elle avait pris 3 fois par jour un cocktail de somnifères composé de 100 mg de thorazine, 100 mg de nambutal, 100 mg de séconal et 150 mg de véronal. Indépendamment, chacune de ces drogues était susceptible de provoquer des perturbations psychologiques. Buckley pensait que, compte tenu de la quantité qu'on lui donnait, il n'y avait rien de surprenant à ce qu'elle se sente comme un zombie. Il rédigea une demande écrite pour rendre visite à Madeleine si elle était toujours internée à l'Institut. D'après ce qu'il avait lu, il était évident que Cameron adorait utiliser ce que les compagnies pharmaceutiques appelaient, dans leur publicité, les « nouvelles drogues héroïques ». L'une était la chlorpromazine, vendue sous le nom de Largactyl. Elle avait tout d'abord été conçue pour soigner le mal de mer des troupes alliées quand elles se préparaient à envahir l'Europe nazie. Elle ne résolut pas ce problème, mais les anesthésistes militaires constatèrent qu'elle déclenchait l'hypothermie et ralentissait les battements du cœur, ce qui s'avéra très utile dans les hôpitaux de campagne. Le docteur Cameron, lui, la prescrivait comme sédatif puissant à ses patients schizophrènes. Il avait constaté qu'elle mettait fin aux crises d'hallucination. Pour lui, c'était une preuve de plus que les maladies mentales avaient des causes chimiques et n'étaient pas uniquement psychologiques. Par conséquent, les drogues sont la réponse, et non l'oreille plus ou moins compatissante du psychanalyste, écrivit-il dans l'un de ses articles médicaux de plus en plus nombreux. Sa décision de prescrire de grandes quantités de médicaments sous diverses combinaisons perdit toute limite. Il essayait énormément de mélanges que les fabricants n'avaient pas testés. On donnait par exemple de la désoxine avec du Largactyl et le sodium amytal était mélangé à du prolixine. Les patients développèrent ce que les infirmières de l'Institut appelaient la perturbation thorazine, qui fut qualifiée dans un dossier de problème uniquement temporaire auquel il fallait s'attendre. Une patiente qui souffrait de dépression postnatale, après avoir eu des jumeaux, fut choisie pour recevoir 5 médicaments différents 3 fois par jour. Dans le dossier d'un autre patient, Cameron fit l'observation suivante. Cet homme montre de bons signes de progrès quand on augmente la dose de méprobamate, en plus du reste de son traitement. Le dossier d'une autre patiente stipulait que de plus fortes doses d'équanil donnent de bons résultats sur son insomnie. Partout, on retrouvait des références aux effets bénéfiques de l'association des drogues et de la TEC, c'est-à-dire la thérapie par électrochoc. Des électrodes étaient placées sur les tempes du patient et l'on envoyait le courant pendant une demi-seconde ou une seconde entière, à une puissance variant entre 70 et 150 volts, la puissance nécessaire pour faire fonctionner une ampoule de 100 watts. Ce processus déclenchait systématiquement une crise d'épilepsie. Le traitement standard consistait en deux ou trois chocs à intervalles réguliers. Cameron utilisait un voltage plus fort et prescrivait plus de séances sur des périodes plus courtes. Parmi ses patients se trouvait un homme de 60 ans dont le diagnostic principal était l'alcoolisme et un jeune homme de 25 ans qui avait des problèmes conjugaux. On donna également un traitement de choc à un ancien athlète célèbre qui, à 50 ans, était angoissé à l'idée de vieillir. Une femme, diagnostiquée comme arriérée, devenue difficile à gérer chez elle, reçut également un long traitement d'électrochocs.